bougeant. Dépendamment, évidemment, de la qualité de l'ego ici, là. Il y a des personnes, tout le monde va vivre quelque chose de similaire. Mais les gens ne deviendront pas tous des soirs. Quoi? Il y a des personnalités, je ne sais pas si c'est le mot juste, des personnalités, il y en a qui sont plus bouillants, il y en a qui sont plus calmes, il y en a qui sont plus tranquilles. Ça dépend de la quantité. Même s'ils ont la même épaisseur d'ego. Non, ça dépend de la couche qu'ils ont ici. Puis ceux qui sont extrêmement bouillants, quand ils vont commencer à se conscientiser, ils vont être extrêmement plus bouillants. Ben c'est ça. Oui. Non, parce que là, ça que tout le monde est pareil, là. C'est... Non, tout le monde est pareil. Exactement, comme un gâteau, c'est comme un gâteau. Un gâteau, c'est un gâteau. Non, mais il y en a d'autres pareils. Les au chocolat. Oui. Mais un gâteau, c'est un gâteau. Les égos sont tous pareils à ce niveau-là. Ça veut dire qu'au début, là, l'effet d'un contact avec l'intelligence, ça, c'est que ça empire les choses. Non, ça améliore tout. Mais du point de vue de l'ego. Du point de vue de l'ego, c'est ça. Parce que ce qui est révélé. Du point de vue de l'ego. Non. Oui, mais est-ce que l'ego, ça va drôlement mieux. OK, on parle pas de l'ego, on parle pas de l'individu, on parle de ceux qui l'entourent, par exemple. C'est bien plus dur à dire. Laisse-moi finir. Ça, ce qui est exprimé, en tout cas, c'est pas joli. Laisse-moi finir. C'est toi aussi. Bon. Plus on monte les couches de l'ego, plus l'ego devient chaud, donc plus l'ego devient présent, plus le mental devient performant, et plus la présence de l'être réel, donc vous autres, de l'intelligence, se fait sentir. De ce fait, vous êtes en dedans, vous savez, vous êtes totalement plus bouillant, mais pas nécessairement dans ce que vous allez exprimer. C'est sûr qu'au début, il va y avoir des manques d'ajustement. Tu peux t'exprimer trop violemment, trop ceci, trop cela. Mais l'ego et l'intelligence vont se remettre en question souvent. Mais c'est ce qui fait en sorte que plusieurs individus auront l'impression, dans leur conscientisation, de ne pas s'améliorer. Et la question, ce n'est pas de s'améliorer au niveau des humains. Puis les autres autour de toi, écoute bien, ils sont autour de toi, puis t'es autour d'eux autres, puis c'est la vie. Bon, est-ce que c'est la présence du mental qui pallie au fait qu'il y a moins de cercle autour de l'ego, puis qui fait que finalement, quand ça c'est libéré, c'est moins libéré ou c'est contrôlé? Avant, toi, tu étais contrôlé par ta sagesse, les couches de l'ego, l'expérience. Puis quand tu vas te l'égoïser, donc le processus de forme de l'ego va commencer, tu vas être contrôlé non plus par ta sagesse, mais par ton intelligence. Alors moi, j'explique la mécanique. À l'intérieur, on va se sentir pour plusieurs moins évolué, alors que tu vois plus clair. Puis l'explication, c'est que t'es pas pire qu'avant, sauf que tu es en phase de l'égoïsation, c'est donc normal que plusieurs, ça dépend des qualités d'ego, mais tout le monde va voir une recrudescence ou un changement dans la phase de conscientisation plus avancée, des mécaniques. Et là, plusieurs vont se demander justement qu'est-ce qui arrive. Et plus je me conscientise, il me semble plus je suis pire qu'avant. Ça, c'est ce que la personne vit en dedans. Au niveau de l'extérieur, c'est sûr que tu es plus soupoulé, mais en même temps, c'est plus vivant, et ça va s'équilibrer. C'est sûr que les individus autour vont avoir un changement, probablement. Puis quoi, ils sont suffisamment conscients. Ça paraîtra pas trop. Mais c'est pas une... C'est une mécanique qui se fait. Ça vaut même pas la peine de se demander si c'est bon ou pas bon. C'est là que ça marche. L'écœurement, c'est ça où comme phénomène là-dedans? C'est où ça L'écœurement, au niveau de l'ego, donc l'ego, c'est la centricité. L'ego, c'est la centricité des expériences similaires dans l'âme. Pourquoi je donne souvent l'exemple du camionneur? La personne qui est camionneur, après 20 ans de camionnage, quand on parle de camion, ben là, puis elle parle juste de camion, on parle de camionnage, puis si on dit, j'ai vu un camionneur qui était stupide, ben ça va choquer. Bon, j'ai essayé ça une fois, là, j'ai des professeurs, puis il y a au moins, certains, ça se peut qu'il y ait un professeur épais au Québec. Puis là, j'ai souvent l'impression que j'avais tout devant moi. Les gens sont corrects. Question d'égrégore. L'ego. Il y a des égos de prof. Bon. Les professeurs, c'est ce que c'est. D'accord, pour fesser. Professeur, bon. Oui, c'est... Ça fait partie, ça, de l'étymologie. Ça a changé aujourd'hui, c'est des enseignants. Ils travaillent enseignants. Hein? Maintenant, ils se font battre. Bon, les mots changent. C'est vrai. Avant, on mangeait du porc, on mangeait du cochon, on mange du porc. Avant, moi, les gens étaient des blessés, après ça, les gens étaient des malades, après ça, les gens étaient des patients, après ça, les gens étaient des bénéficiaires. C'était tout à la même place, là. Hein? Parce que c'était l'assistance sociale, le bien-être social, et maintenant, c'est des bénéficiaires de l'aide. Ça, là, on s'amuse, c'est intéressant. Parce que la société change, donc les formes au niveau des égrégores, des mots changent. L'astral, qui arrive donc, c'est que la personne vit la même expérience régulièrement au cours de sa vie, lentement il y a des parties qui, sous l'attraction de l'amour, c'est-à-dire l'expérience émotive dans l'âme, les expériences vont s'agglomérer, et ça va créer un ego. Je vais parler de l'ego. Ici, je dessine un petit bout d'ego, là. À qui ça appartient? Ce petit bout d'ego-là s'appelle l'ego nourri par la peur. Tous les égos qui ont un gros bout d'ego nourri par la peur rechercheront régulièrement pour s'alimenter des choses qui leur feront peur. Des films d'horreur, des bungee, là, le suicide où j'espère que l'élastique va tenir, les affaires à la ronde, des choses comme ça. La course automobile, le saut en parachute, gros égo de peur, le saut sans parachute. Bon. La ça, c'est l'ego de suicidaire. Si on sans parachute sur un tremplin de 5 pieds d'une piscine, mais c'est pas ce problème-là. Parce que vous pensez des choses-là. Bon, c'est comme la vitesse, les gens disent la vitesse dessus, c'est l'arrêt qui tue. Bon. C'est l'arrêt brutal qui est dangereux. La vitesse, ce n'est pas un problème. Alors, à un moment donné, il y a une autre partie d'ego ici, qui est créée. Cette partie d'ego-là s'appelle mon voisin. Non, on va dire ma femme, mon mari, mais c'est gros, ça nous, là. Bon. Une autre partie d'ego vient se loger ici, mon chat. Lentement, c'est comme ça qu'un ego se crée. Tous des blocs sont extrêmement différents, qui viennent s'accoler. Et ce qui se passe, c'est que ça laisse des trous. Je vais colorer les blocs ici, là, si le crayon est capable de survivre l'ego. C'est pas pire, c'est un crayon supramental. Bon. Les trous sont ici. Les trous dans l'ego humain sont ce qui va amener l'humain à la recherche spirituelle, à la quête des réponses, à la recherche de tout, n'importe quoi, qui peut s'immiscer dans les trous et les combler. Amène-moi n'importe quoi, mais comble-moi. Ça veut dire que si je t'amène le diable comme Dieu, que je t'en parle et que ça comble tes trous, tu peux nécessairement être un disciple de Satan, c'est réglé. Donc, on ne voit moi jamais, ça comble tes trous, tu vas l'aimer, c'est réglé. Si je t'amène Yahvé, si tes trous à toi sont comblables par l'énergie Yahvé, tu vas nécessairement rentrer dans cette religion-là, c'est réglé. Quel que soit ce que nous allons amener à l'humain, si ça comble tes trous, l'ego reste barré là. Ce qui comble le plus facilement, toutes les formes et tous les genres de trous, c'est l'amour. Donc, l'homme va rechercher l'amour sans arrêt, l'amour du témoin de Jéhovah, l'amour de Dieu, l'amour de sa femme, de ses enfants, de son mari, de n'importe qui. Si l'amour peut pénétrer un ego, ça vient combler les trous, et la personne, immédiatement, perd l'impression de stress intérieur, donc d'effondrement, de tentative d'ajustement de l'ego. Imaginez, ça ici, la forme est là, vous allez être habitué, c'est vous. Si ça s'effondre progressivement, vous changez. Alors, vous allez quête pour trouver de l'énergie, pour combler les trous ici, pour ne pas changer. Et pour éviter la souffrance du changement, donc de la mutation de la forme de l'ego, l'humain, l'ego est prêt à accepter n'importe quoi. Mais avec l'amour, je vais te donner de la drogue, tu rentres là, ça comble tes trous, tu vas prendre de la drogue. Mais avec l'amour, ça va bien, parce que quand même que les trous soient n'importe comment, là, oui, la problématique de l'amour, c'est l'une des rares énergies qui est très près de, on va dire, disons, de l'intelligence, parce que de l'amour, ça peut être, l'amour instantané est très très près de l'intelligence instantanée. Puis la réplique la plus planétaire, la plus parfaite planétaire, des mécaniques qui font partie, disons, des plans supérieurs, c'est l'amour. L'amour a un problème, c'est que l'amour est beaucoup plus près de l'instantanéité que n'importe quoi d'autre. Si c'est Dieu dans l'astral qui comble vos trous, il peut le combler pour 15 ans sans problème. Si c'est l'amour, c'est presque instantané, donc ça va faire juste pas longtemps. Il faut que ça soit répété. Il faudra sans arrêt que tu te réalimentes. Alors l'amour crée une autre problématique, c'est qu'il y a l'argent d'esclavage. L'amour humain, je parle, l'amour qui comble les trous. L'amour, ça va nourrir le corps astral, ça nourrit le corps physique, c'est tout à fait dépendamment de quel genre d'amour on veut parler. Mais l'amour que l'humain va vendre ou que l'humain va donner par la religion, ou Dieu t'aime, Jésus t'aime, ou etc., là, Jesus the star to love, c'est dépendamment des évangélistes, là. Ça vient combler. L'humain est tout content. Je t'avais expliqué ça. C'est nouveau, j'ai entendu parler de celui-là. Bon, on parle d'amour qui devient dépendant. Quand une personne arrive à s'aimer un peu plus elle-même, qu'est-ce que ça fait? Elle se comble elle-même, donc elle a moins besoin de courir après autrui, elle a moins besoin de courir après différentes religions, elle a moins besoin de courir après les spectacles, après la drogue, l'alimentation, l'alcool, les films d'horreur, parce qu'effectivement, plus une personne est capable de s'aimer elle-même, plus elle va se combler elle-même, donc elle devient un peu plus indépendante, sinon totalement indépendante, elle devient sevrée du point de vue de la relation affective qui comble l'ego. Elle aura maintenant la capacité de s'alimenter au niveau de l'amour par le sentiment. Donc, elle sera capable de boire l'onde de forme d'un paysage, d'un soleil, d'une personne. Un homme peut regarder d'autres hommes et se nourrir d'eux, peut regarder d'autres femmes et se nourrir d'eux, mais il ne regarde pas juste des fesses ou des seins. Il va être capable de se nourrir de la présence d'enfants, d'un événement, d'une musique. Il s'alimente. Et s'il n'y a rien, il n'y a pas d'effondrement au niveau de l'ego parce que son alimentation était au niveau de ses corps planétaires et non pas au niveau de son ego. Mais ce que tu dis là, ça veut quasiment dire que tu habitues l'ego à la présence de l'intelligence chez toi. Ce que l'humain doit faire, c'est de présenter son ego à Dieu, à lui. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'ego doit rencontrer quelque part le sécurisateur absolu, l'intelligence de l'homme. Toi, etc. Bon. Progressivement, mais au départ, l'ego n'y fait pas confiance parce que l'intelligence, vous autres, vous n'avez pas la capacité de pénétrer votre corps comme vous voulez. Vous n'avez pas encore la capacité d'avoir un ajusteur psychologique capable d'ajuster votre énergie pour nourrir votre ego. Ça vient. Mais c'est là. Alors, l'ego va préférer, en attendant, les apports énergétiques extérieurs. Tout ce qui est relié aux égrégores de l'astral pour aller se nourrir, pour se combler. Mais s'il y a une fonte de l'ego, il n'y aura plus de place pour que ça aille. Où ça va aller, ça? Quoi donc? Ben, l'intelligence ou l'amour. L'intelligence, il n'y a plus d'ego. Mm-hmm. L'intelligence, quand l'ego est totalement fondu, l'intelligence prend totalement la place de l'ego. Ça remplit l'âme au complet. C'est ce qu'on appelle une âme peu. Une âme sans ego. Puis l'être humain se fait un double éthérique. Puis le corps physique finit par être énergifié. Puis, etc. À partir du dessin qu'il y a là, ouais, c'est parce que tu dessines à peu près comme tu écris. Ta question était super nette, là, parce qu'elle dessine. À partir de la feuille, comment, c'est quoi qui se passe dans la fonte de l'ego, dans la négoisation? Bon, ben, non, mais on parle les blocs. Mais c'est parce que les blocs, qu'est-ce qui se passe? On parle de l'arrivée de. D'un événement qui fait que ça va fracasser. Les blocs qui revolent, c'est quoi? Ils se déforment ou ils disparaissent? On a un ego comme ça ici avec un paquet de blocs. Plus l'âme ici, elle a un périsprit, une enveloppe, plus ça c'est mince, plus l'expérience extérieure rentre puissamment et vient créer de l'émotion. Plus le périsprit est mince, plus l'être humain va être sensible ou émotif. La majorité des artistes ont un périsprit extrêmement mince qui les connecte intimement à l'astral. Il leur amène une créativité astralisée, évidemment. Mais ça veut-tu dire qu'ils ont des plus gros égos à ce moment-là? Plusieurs ont des plus gros égos, effectivement. Ils sont extrêmement sensibles, irritables, ils se promènent d'un bord et de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il faut presque rien pour en faire un plat. D'ailleurs, certains sont plus... Bon. Et si on parle de fracture de l'ego, ça peut être une partie ici qui va décoller. Souvent, dans un grand choc, c'est la fragmentation complète des parties d'ego qui va se apparaître. Et ça peut, par la suite, engendrer, comme ça peut arriver à travers la vie, la création de deux égos. Ça peut être aussi, évidemment, un dédoublement de personnalité. Si c'est l'intelligence qui descend, normalement, l'intelligence va juste faire tourner l'ego ou en faire sauter un petit bout. Tourner l'ego, c'est pousser le bout. Fait qu'il reste encore des parties. On prend l'exemple de quelqu'un qui est jaloux, qui a un bloc de jalousie. Ça ne part pas d'un coup. Ça peut, mais habituellement, non. Mais ça peut. Sauf que ça peut être juste ce bloc-là qui part d'un coup, la personne va rester tout le reste. Oui. Bon, mais si un autre bloc part, elle peut rester jalouse, même si elle s'en égoïse et même si elle s'en conscientise. Il restera ce bloc-là. Avec la peur, la personne peut prendre conscience que finalement, elle a moins peur qu'avant, mais qu'elle a encore peur de certaines choses. Donne un exemple ici. Un ego, tu vois, un gros ego, plus vous avez un gros ego, plus vous êtes potentiel à la peur, à la quête spirituelle, à la recherche, à la drogue, à ces choses-là. Si vous avez un gros ego, on peut aussi se nourrir, casser la gueule aux gens, vouloir planter tout le monde, vouloir éliminer les gens, etc. Plus l'ego est gros, plus il y a de place pour les trous. D'où, plus il y aura de recherche comblée. Plus l'ego est petit, moins il y a de trous, moins il y a de place pour les trous. Chez un enfant, tu n'auras pas autant de problématiques de vie que chez un adulte. Puis en s'en allant, puisque l'ego va grossir, il va y avoir, on commence à quitter de place. Dans la négoïsation, à un moment donné, l'ego devient suffisamment petit, il reste un trou, deux trous, trois trous, comparé aux 2-3 000 trous qu'il y avait originalement. Puis la personne ici devient suffisamment stable, donc elle était suffisamment joyeuse. Il n'y a plus aucun problème, même s'il reste des bouts d'ego, parce qu'il ne reste presque plus de trous. Puis normalement, à ce niveau-là, le mental est capable de régir totalement l'expression de l'ego à travers le corps physique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de problématiques d'expression. Quand on va dire des fois d'une personne, il y a tout un ego, mais souvent, c'est un ego qui dit ça. Bon, ça peut être aussi on constate que la personne... Il y a tout un ego. OK. Il y a bon, les gens ne constatent pas qu'il y a un ego, c'est comme de dire, c'est tout un ego. Quand ça dit ça, c'est un ego qui est en réaction, vous avez un autre ego, mais... La personne là, en tout cas, il y a un gros ego là, mais souvent cet ego-là, plus c'est gros. Puissant, pas nécessairement gros. Mais c'est ça, j'allais. Deux, là. Mais c'est ça, c'est pas nécessairement. Non. Un gros ego peut être extrêmement doux, peut être extrêmement peureux, il va tout rechercher, il va essayer n'importe quoi. La puissance de l'ego, c'est relié à quoi? C'est quoi? La puissance de l'ego, c'est relié uniquement à la densité de l'ego. Plus tu vas vivre. Plus tu vas être la réincarnation d'une personne qui a énormément vécu, plus tu vas te ramasser des événements du genre, plus tu vas vivre rapidement dans ta vie, donc on compacte l'information. L'aventurier va avoir un plus gros ego. Les policiers ont des gros égos. Vivent énormément intensément. Plus on vit intensément, plus on va avoir de l'ego. Mais il y a plus un gros ego ou plus un ego puissant? Mais ça veut pas dire... Un ego puissant. Non, mais pas nécessaire. Par exemple, on va rencontrer des policiers ou des hommes d'affaires qui ont des égos, des gars qui sont solides, en fait. Pas tous là, mais il y en a, on peut, ce qu'on relie à leur solidité, on dit, il y a l'ego qui va avec. Ok, je vais répondre, même si tu ne poses pas la question, là. Oui. Ça va faciliter la tâche. Oui, vas-y. Mais une personne peut aussi égoïquement être liée à un égrégore. Oui. Ça peut lui donner tout le monde de puissance. Alors, ça veut dire, par exemple, qu'on a un homme d'affaires qui est bizarre, il est sur la rue, il prend le métro, ici, il a peur de tout le monde, il s'excuse, il rentre dans son bureau, il passe devant sa secrétaire, il rentre dans son bureau personnel à lui, il s'assoit, place ses petites bébelles, téléphone sonne, prend le téléphone, oui, qu'est-ce qu'il y a? Puis ça code différemment, puis il passe sa journée, puis là, tout le monde a peur de lui. Puis quand il sort, il est bien boss, il prend l'ascenseur, il arrive en bas, il rentre aussi bas que son ascenseur, il remarche jusqu'à son auto, ou jusqu'au métro, il s'en retourne chez lui, ou il se piète dans un site de toi qui était rentré. Là, on va dire, crime, ce gars-là, tu le rencontres au restaurant, puis on jase avec lui, puis c'est lui qui dirige la compagnie là-bas, ça n'a pas de sens. Mais quand tu le prends connecté à l'égrégore qui le domine, tu vas te rendre compte, pas de mais, deux pour, là. C'est parce que pour qu'il se ramasse, là. Ou des couches, pour qu'ils s'annoncent là, habituellement, ces personnes-là ont eu un ego solide, ils n'ont pas tout... Pas nécessairement, ça dépend de l'égrégore qui descend de ramasser. On prend l'exemple juste des papes. Le pape, c'est un archevêque ou c'est un cardinal, c'est quelqu'un de convenable, et puis, mais pas nécessairement puissant. Puis quand on le met pape, il n'est pas plus puissant. Puis quand il est baptisé avec son nouveau nom, là, on le connaît qu'aux égrégores de tous les papes avant, et quand il sort après ça de la salle de baptême, tout le monde se met à genoux, il rayonne même le pape. Là, il est pape. Sauf que, il a pas eu un gros égo pour se ramasser là. Oui, mais il était quand même solide tout au long de sa vie pour se ramasser là. Il y en avait peut-être des meilleurs que lui. On prend l'exemple des politiciens. Ça paraît que t'as pas connu le pape Innocent III, toi. Non. Je ne connais pas. Mais on prend l'exemple des politiciens. Souvent, le monde m'a chialé. Il trouve qu'un est faible, l'autre n'est pas solide, il ne se tient pas de bout. Mais toutes ces personnes-là, s'ils rencontreraient l'individu individuellement, ils seraient... Ça m'a surpris de se rendre compte comment il y en a plusieurs qui sont faibles. Mais le contraire aussi. Oui. Ça n'a pas de rapport, il n'y a aucun rapport entre ça. Ça dépend si la majorité des gens très publics sont reliés à des égrégores. Quand l'égrégore se déconnecte, ils perdent toute leur affaire. Quand l'égrégore se connecte, ils gagnent. Bon, quand ils se connectent, qu'est-ce qui se passe dans l'égo? Quand ils se connectent, quand un politicien ou un homme d'affaires se connaît et tout d'un coup branché à un égrégore. Mais dans l'égo, il se passe quoi? C'est une partie qui exprime. L'artiste, il veut peindre, il n'y a rien à peindre, il n'y a rien à faire. Et à un moment donné, ben là, il commence à stimuler, il y a une couleur qui vient, une idée, il ramasse ses affaires, puis il décolle. Il ne se rend pas compte parce qu'il n'est pas conscient. Le politicien, ça va être la même chose. Est-ce que ça a un rapport, par exemple, avec les égrégores? Ben, j'ai connu des égrégores, donc oui. J'avais un ami qui voulait peindre des étoiles, puis il s'est habillé en peinte avec le béret, toute l'affaire. Ouais. Puis il est devenu un bon peintre. Oui. Mais est-ce que les politiciens, c'est la même chose? Inconsciemment, ils se ramassent dans une onde de forme. Les politiciens, c'est la même chose. Par exemple, le parti d'opposition, il est contre un paquet de phénomènes. Une fois qu'il est élu, ça prend pas tellement de temps, il est fondu dans l'égrégore du parti qui était là en place. Et finalement, s'il devait changer, il ne change plus. S'il trouvait con, il trouve ça bon. Puis l'autre, il vient de déménager, se ramasse dans l'égrégore du parti d'opposition. Et finalement, il recommence à crier contre des choses que peut-être même lui avait mis là. Ah, on l'a mis là, on l'a rehaussé. Ça, il y a la taxe ascenseur d'un certain gouvernement. Et ça a été, l'opposition disait que c'était stupide et épais. Quand ils sont devenus au gouvernement, ils ont simplement fait monter l'ascenseur un petit peu plus vite. Il y a un gouvernement qui disait que la TPS était ridicule. Une fois que c'est passé, ben, ils ont mis la TVQ, en plus, ils connaissent la TPS. Quand tu es à l'opposition d'une chose, puis quand tu es dedans, les personnes, il y a plusieurs personnes en politique qui sont de bonnes gens, puis rendus dans les grégores en haut, ils se perdent. Il y a un gars qui travaillait pour Hydro-Québec, pas ceux qui connaissent ça, là. Et puis lui, il était monteur de lignes, montait les lignes. Et puis, il gueulait contre les patrons, puis il gueulait contre tous les salauds, etc. Maintenant, il est devenu patron. Puis là, les employés, c'est tous des maudits ceci, des maudits cela, c'est tous des paresseux, puis il a simplement changé d'égrégore, puis il a carrément changé son discours. Le gars s'en rend pas compte, évidemment. Les employés, oui. Et ça va faire en sorte que plusieurs employés vont refuser des promotions parce qu'inconsciemment, ils ne veulent pas se changer. Mm-hmm. Alors, il y a des policiers qui ne veulent pas devenir sergent ou devenir lieutenant parce qu'à un moment donné, ben, tu travailles dans le bureau. Mais c'est oui ou non, tu peux choisir certaines choses. Ils veulent rester dans la gang. Oui, c'est ça. Uniquement parce que si je deviens patron, je vais perdre mes amis. Il y en a qui se refusent inconsciemment la richesse. Les égaux ont peur de rentrer dans l'égrégore de celui qui est riche, qui est plus d'amis, qui se fait têter par tout le monde. Restez vous autres, puis ça ne changera pas. Sauf restez vous autres, ça veut dire rester collé dans l'intelligence. Et présentement, l'humain est totalement ramassé. Mais c'est quoi la différence de constitution égoïque entre celui qui, quand il choque, ça va déranger tout le monde, quand il est orgueilleux, ça va être puant, puis l'autre qui a vraiment... Qui choque, ça fait rire tout le monde. Ou, non, mais qui choque, puis ça fait pas peur à personne, mais qui a un plus gros égo. C'est parce que celui qui choque et ça dérange tout le monde, on va être porté à dire ça c'est un gros égo. Celui qui, quand il est orgueilleux, il est plus puant, on va être porté à dire c'est un plus gros égo, alors que c'est pas nécessairement le cas de l'autre qui fait peur à personne. Non, la puissance de l'égo est importante là-dedans, le rayonnement de l'égo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un égo qui est performant dans son rayonnement, il va être capable d'aller te chercher autrement qu'uniquement par sa voix. Autrement qu'uniquement par ses mots, il va être capable de te ramasser télépathiquement et vitalement. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont dire « va donc te coucher, puis ça va te grimper au plafond, puis un autre va te donner tout un paquet de bêtises, ça te dérange à peu près pas. » Uniquement en fonction de la façon de rayonner. Et normalement, un être qui se conscientise convenablement, et quand son ego vient s'exprimer, c'est souvent plus puant, plus snob, plus un paquet de mots, parce que justement, étant donné qu'il se conscientise, il est capable d'établir des communications énergiopathiques avec les autres, parce qu'il commence à vivre dans un monde plus huppé, plus énergétique, mais évidemment, l'ego contrôle encore l'individu s'il arrive à des colères comme ça, puis il peut se servir des canaux les plus bas. Bon, autrement, c'est ça, mais là, toi, tu parlais du rayonnement de l'ego, mais c'est pas le rayonnement de l'ego, c'est le rayonnement de l'individu, que l'ego est capable d'utiliser le rayonnement de l'individu. C'est ça, pour s'exprimer. Donc, il ramasse sur l'autre beaucoup plus. Un peu comme une personne qui se contrôle convenablement. Un professeur qui rentre dans une classe, qui dit à ses élèves, « Bon, on s'assoit, bon, on se la ferme. » Tout le monde se la ferme. Et l'autre qui rentre, « Bon, on s'assoit, puis bang! » Il vient d'éviter un objet, puis Puis il n'y a rien à faire, il a beau crier, il a beau faire ce qu'il voudra, il en bas un, il est l'autre là-bas, puis il s'en va par là. Il l'a pas. Question de rayonnement. On a des généraux qui vont arriver dans une troupe de délinquants, des soldats, là. Le général, il rentre, tout le monde se la ferme, tout le monde se met en garde à vous, puis tout le monde en plus est bien. Le général, il va vérifier ses troupes, puis en vérifiant ses troupes, il rayonne tellement que chaque soldat va avoir l'impression, va conserver l'impression que le général les a regardés, à un moment donné. Même s'ils sont les 8e rangée en arrière là-bas. Puis il y a d'autres généraux qui vont rentrer là, puis s'il n'y a pas des règlements puissants, puis des prisons puissantes, il n'y a personne qui va les écouter. C'est une question de rayonnement de l'individu, puis l'ego va s'en servir. Le rayonnement de l'individu va provenir dans la conscientisation des liens énergiopathiques qui vont s'établir, du contrôle des télépathies physiques. Il y a aussi un rayonnement qui va être uniquement en fonction de ta génétique, de ton énergie, puis de ce que tu réincarnes, donc de ce que tu es dans d'autres adresses temporelles. On va dire donc de ce que tu as été dans le temps. Parce que si tu réincarnes 8 reines, quand tu arrives quelque part aujourd'hui, même si tu es n'importe quoi, il y a toujours des gens qui vont avoir l'impression que tu es... Bref, qui vont être inhibés par ta présence, parce que quelque part, sans qu'ils sachent pourquoi, tu étais une reine, une princesse, etc. Ça veut dire que les autres aussi sont reliés au temps pour que ça puisse... Tout le monde a vécu dans le temps. La majorité des individus ont 30 à 32 millions de personnalités réincarnatives qui les constituent. Donc, nécessairement, on s'est déjà tous connus. Mais pour l'ego... Toi! Pour l'ego qui est capable de récupérer la puissance de l'individu, ça veut dire que plus l'individu devient intelligent, donc plus il rayonne, plus c'est dangereux que l'ego... Oui, mais ça, on s'en fout. C'est un peu comme... parce que c'est dangereux ou pas, c'est ce qui va se passer. La négoïsation va vous amener quoi? Perte de mémoire. Peut-être ne pensez pas parce que vous souffrez d'Alzheimer, vous êtes négoïsé. Mais c'est important, c'est qu'à un moment donné, vous ne voulez pas. Il y a des personnes qui vont être plus irritables, des personnes qui vont être physiquement malades, pas tout le monde. Il y a des personnes qui vont perdre la mémoire, des parties d'ego qui s'en vont, puis ils crient, « Voyons, tabarouette, c'est quoi son nom? » Son nom, c'est mon nom, son nom. C'est moi, ça. C'est ça, ça vient. Progressivement, mais ces choses-là sont toutes temporaires. Mais l'individu finit par être connecté à l'instantanéité ou à l'état de son intelligence. Il va savoir, il ne s'appellera pas, il va savoir quand ça va être nécessaire. La forme de l'ego, c'est le laisser la place à l'être réel, puis progressivement, l'être réel qui remplace l'ego cesse d'être manipulé par tous les ingrédients de la vie, chioler parce qu'il pleut, toute une niaiserie du genre. Ce qui fait, quand on en résumé, l'égoïsation fait en sorte qu'on se rend pas fou au sérieux, on relaxe face à la vie, et on vit sérieusement, ça veut dire quoi? Pas le temps de chioler, crème, c'est ma vie qui s'en va. Je m'en fais d'autres choses. Je m'en vais m'amuser, m'en vais rire, m'en vais travailler, m'en vais me comprendre. Et puis je m'en vais à la prochaine conférence. Moi, j'ai pas le choix. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir.